L'orgue éclate. La nef s'étoile jusqu'au faîte. Chacun frissonne autour de vous, et le De Profondis passe, large tempête, courbant les foules à genoux. Mais bientôt, se levant, vos meilleurs amis, sans y songer, du coin de l'œil, comparent les façons plus ou moins alanguies dont elle porte votre deuil. Et leur cerveau, ne sent pas la folie éclore, à songer que sous ce drap noir, vous pourrissez, vous qui leur parliez hier encore, et que tout est dit, sans espoir. Néant, néant, adieu, chaude nuit de septembre sur les terrasses d'orangers, jour d'hiver, près du feu, faisant douce la chambre, matin d'avril, frais et léger, chiffon, bal, fleurs, parfums, passion, fantaisie, bout de spleen devant l'océan, torrent béni des mille ivresses, de la vie. Tout est fini, néant, néant. Et voici qu'en l'essor des orgues d'allégresse, le prêtre vous absout, tout bas, pour cet éden d'espoir dont rêvaient vos tristesses. Hélas, cet au-delà n'est pas.